Chapitre 26e. La manufacture de M. Ashley. Jane mit à profit l'heureuse pensée que lui avait suggérée Samuel Lynn. Elle s'adressa personnellement à M. Pearson, qui promit de faire entrer immédiatement Frank au collège et obtint pour gare une admission au trimestre du printemps. Il fut stupéfait lorsqu'il apprit que son ancien ami et professeur M. Halliburton était mort et que lui-même avait assisté à son enterrement. Il n'était plus besoin après cela de lui recommander deux fois ses orphelins. Jane avait donc sur le cœur un grand poids de moins. William n'avait pas le bonheur de ses frères. Il était dans cette période de l'adolescence où ses manières timides empêchaient son acceptation dans un bureau. Il dut donc se résigner entre les mains de Samuel Lynn, qui le présenta à M. Ashley, et l'initia par degrés aux mystères par lesquels on convertit une simple peau en un gant prêt à être mis. Les peaux qui arrivaient de chez les tanneurs étaient lavées dans un baquet d'eau froide. Le lendemain, on versait dessus de l'eau chaude mêlée à des blancs d'œufs, puis deux hommes, nus jusqu'aux genoux, entraient dans le baquet et dansaient vigoureusement sur les peaux, les œufs et l'eau pendant deux heures. Les peaux étaient ensuite étendues dans une prairie jusqu'à ce qu'elles eussent pris la raideur du parchemin. Puis on les frottait longtemps pour les adoucir. Les teinturiers s'en emparaient ensuite, les rogueurs retranchaient ce qu'il y avait de trop et les frottaient avec de la pierre ponce. Tous ces apprêts se faisaient en plein air. À l'intérieur de la manufacture, on les apportait à l'un des contremaîtres qui les triait et les envoyait au coupeur. Ceux-ci coupaient la forme de la main et les faisaient porter au fendeur qui séparait les quatre doigts et le pouce. Le premier travail des hommes s'arrêtait là. Les femmes cousaient les peaux comme nous l'avons déjà expliqué. Leur besogne achevée, on les apportait à la fabrique où on leur donnait du luisant. S'il s'agissait de gants noirs, les poings étaient couverts d'une teinture noire, puis on les faisait sécher. Une fois secs, Samuel Lynn se les faisait apporter dans sa grande chambre, située à côté du cabinet de M. Ashley, où on les séparait en gants de première, deuxième ou troisième qualité. Le triage était toujours fait par M. Lynn ou James Macey, le premier contremaître. Puis, on les enroulait par douzaines dans une bande de papier, on les numérotait et on les emballait dans de petites caisses. On voyait quel travail il fallait pour confectionner une paire de gants. Le premier jour que William partit à 6 heures du matin avec Samuel Lynn, on lui ordonna d'arroser le plancher, d'allumer le feu dans le cabinet de M. Ashley, d'essuyer les meubles et surtout de ne rien déranger sur le pupitre du maître. Cela fait, on lui remit un bâton poli, pointu au deux bouts, qu'il devait rouler sur la peau pour l'adoucir, absolument comme un cuisinier roule sa pâte. Les chambres étaient claires et gaies, une ou deux des parois étant toujours vitrées. Le soir du premier jour, William rentra bien triste. Sa mère lui demanda si l'emploi lui plaisait. Il répondit évasivement. Peu après, il se leva et monta se coucher, disant qu'il avait mal à la tête. Arrivé dans sa chambrette, il se jeta sur son matelas en sanglotant, comme si son cœur allait se briser. Jane, devinant ce qui allait se passer, l'avait suivi. Elle le prit dans ses bras. « Oh, mon pauvre William, ne te désole pas ainsi. Les choses pourront s'améliorer avec le temps. C'est si affreux. N'avoir plus mes livres, mon grec et mon latin, et m'en aller balayer, nettoyer comme ces deux domestiques, » dit-il en sanglotant. « Mon cher, mon bien-aimé William, je ne sais pas comment te consoler. Ton expérience de la vie commence de bien bonne heure. Tu as faim aussi. » « J'ai toujours faim, maintenant, » répondit William, incapable de feindre l'indifférence dans ce moment de désolation. « J'ai entendu un de ses garçons dire qu'il a vu de la viande et des haricots pour son dîner. J'en avais tellement envie. » Jane refoula ses larmes. « William, mon chéri, ton sort te paraît bien triste et noir, mais il pourrait être pire. « Pire, maman » répéta-t-il avec surprise. « Comment pourrait-il être pire, maman? Je ne suis qu'un pauvre commissionnaire. » « Tu seras plus à plaindre, William, si tu étais un de ces deux pauvres enfants. Ils n'ont aucun désir de s'élever, d'avancer. Ils sont forcés de rester toujours ce qu'ils sont. » « Mais je ne puis pas être content d'une pareille existence. Ils en sont contents, William. » Il sentit la valeur de l'argument. « Oui, maman, je ne réfléchissais pas. Ce serait pire si j'étais comme eux. William, nous ne pouvons supporter nos épreuves qu'en comptant sur l'avenir. C'est ce que nous devons faire tous les deux. » La confiance diffère de l'espérance, en ce que si l'espérance nous fait défaut, nous perdons courage, tandis qu'une confiance pleine et entière nous soutient toujours. Patience et persévérance, espérance et confiance, et tu triompheras à la fin. Si je perdais confiance, William, je me laisserais mourir de chagrin. Mais j'ai toujours la ferme persuasion que Dieu dirige toutes choses pour notre bien, et qu'avec le temps, nous sortirons de ces tourments. Les sanglots de William s'apaisaient. « Le temps viendra, » continua Jane, « où nous serons heureux d'avoir surmonté ces épreuves. L'avenir est bien incertain. De même que la lumière du rêve de ton cher papa n'éclairait qu'un pas à la fois, ainsi je n'en puis voir qu'un devant moi. « Lequel, maman ? » demanda-t-il vivement. « C'est de persévérer à rester dans cette maison, de travailler comme je le fais pour vous garder tous autour de moi. De votre côté, vous devez chercher à m'aider. Prends courage, mon bon William. Essaie de surmonter tes répugnances. Fais ton devoir parce que c'est ton devoir, mon enfant, et fais-le parce que tu es ta mère. » La confiance qui remplissait le cœur de la mère pénétra dans celui du fils. « Oui, c'est mon devoir, » dit-il résolument. « J'essaierai de le faire, d'espérer et d'avoir confiance. » Jane l'attira à elle. « Si nous nous laissions abattre, toi et moi, Willy, tous nos chagrins précédents n'auraient servi à rien. Attendons le moment où nous pourrons dire « Nous n'avons pas faibli, nous avons combattu et nous avons vaincu. Ce moment viendra, William. Aie seulement confiance en Dieu. » Elle le quitta, le laissant livrer à des réflexions bien au-dessus de son âge. La semaine touchait à sa fin. Le samedi soir, William, la figure colorée, va apporter 5 francs à sa mère. « Mes gages de la semaine, maman, » dit-il. Les yeux de Jane rougirent aussi. « C'est plus que je ne m'y attendais, William. Je croyais que tu n'en recevrais que 3. Je pense que c'est le patron qui a fixé la somme, » dit William. « Le patron ? Est-ce de M. Ashley que tu parles ?»« Nous ne disons jamais M. Ashley à la manufacture, mais le patron. » M. Lynn payait les gages ce soir. J'ai entendu dire que c'était tantôt M. Lynn, tantôt James Massey. Ces 2 petits noireaux de commissionnaire ont reçu chacun 3 francs. Il m'avait laissé pour le dernier, et quand les autres furent partis, il me regarda et prit 3 francs. Alors il a paru hésiter, puis il a fermé brusquement le pupitre et est allé parler à M. Ashley. Il est revenu 1 minute après, a ouvert le pupitre et m'a donné 5 francs. « Tu ne les as pas gagnés, » m'a-t-il dit, « mais tu as fait de ton mieux. Tu recevras autant chaque semaine si tu continues à bien faire. » Jane tenait les 5 francs. Il lui semblait qu'elle devenait riche. Les autres enfants s'étaient réunis autour d'elle. « Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un bon dîner avec, demain ?» demanda l'un d'eux. « Je crois que oui, » dit gaiement Jane. « Qu'aurons-nous ? Du roast beef ?» cria Frank. « Du rôti de veau ?» suggère Jenny. « Celui de hier chez Madame Rice était si bon !»« Ne pourrions-nous pas avoir 2 poulets et 1 tarte aux confitures ?» demanda Gar. Jane sourit et l'embrassa. Tous ses désirs dépassaient ses moyens. « Nous aurons un bon morceau de viande, » dit-elle. Et tous les enfants tombèrent d'accord. Ils savaient bien que leur mère faisait toujours pour le mieux. Le même samedi soir, Charlotte Matisse rentrait à la tombée de la nuit d'une course à Helston Lay. À l'entrée de Hanefer se trouvait un sentier qui conduisait à quelques fermes isolées, sentier vert et frais en été, mais fort peu attrayant en hiver. 2 personnes s'y engageaient quand Charlotte passa devant. Elle ne leur lança qu'un coup d'œil, mais il lui sembla l'y reconnaître. Au tournant de la route, un bec de gaz éclairait faiblement. Charlotte s'arrêta pour mieux voir, mais les promeneurs étaient déjà hors de sa portée. Un sentiment de malaise traversa le cœur de Charlotte. Elle espéra s'être trompée et continua lentement son chemin. Quelques instants avant d'arriver chez elle, une personne qui courait en sens inverse passa près d'elle et faillit la renverser. « Qui est là ? » cria la voix d'Elisa Tyrell. « Charlotte Matisse en personne ? Dites donc, avez-vous vu Caroline Mason ?» Charlotte hésita. « Supposez-vous que je puisse l'avoir vue, Elisa ? Est-elle venue de ce côté ?»« Oui, elle est allée par là. Et il faut que je la trouve, » dit Elisa avec véhémence. « Je l'ai vue partir de Hanefer, je sais bien qu'il attendait au coin de la route. Je savais qu'on n'avait pas besoin de ma société. Je suis en train de dire un mot à Madame Buffle, et là j'ai appris que Mademoiselle Caroline avait fait un tas de mensonges sur mon compte. » Que je la trouve, c'est tout ce que je veux. Je lui dirai des choses qui ne lui feront pas plaisir. Qu'est-ce qu'il attendait donc ? Demanda Charlotte. Elisa se mit à rire. Elle commença à retrouver son calme. Vous aimeriez bien le savoir, n'est-ce pas, Charlotte ? Dit-elle impertinemment. Mais je ne m'en vais pas faire de rapport. Je crois que je le sais. Du moins, j'en ai peur. Dit tranquillement Charlotte. Vraiment ? Je pensais que personne d'autre que moi ne le savait. Voilà presque 3 mois que ça dure. L'avez-vous vu par là, Charlotte? Je l'ai vu, mais je n'en pouvais croire mes yeux. Elle était avec quelqu'un qui n'a rien à faire par ici. Oh, quant à cela, je n'en sais rien, dit négligemment Elisa. Nous avons le droit de nous promener avec ceux qui nous plaisent. Que ce soit bien ou mal, Elisa. Il n'y a pas de mal là-dedans, cria Elisa d'un air indigné. Je n'ai jamais vu une vieille fille comme vous, Charlotte. Caroline n'est pas une enfant. Caroline est très étourdie. Oh, naturellement, vous le pensez, vous. Et je suppose que vous allez le rapporter chez elle. Je le lui dirai elle-même. Les jeunes filles doivent choisir leurs connaissances dans leur propre classe, si elles veulent que les choses tournent bien. Est-ce que vous n'y avez pas été toute prise avec ce châle? S'écria Elisa avec un petit rire moqueur. Vous avez toutes cru qu'elle le devait à Banks. Son frère et sa belle-sœur le croient aussi. Henriette Mason lui a fait une scène, en lui disant qu'elle dépensait tout son argent à sa toilette au lieu de lui payer sa pension. C'est lui qui le lui avait donné à Elisa. Mais oui, où est le mal? Il est assez riche pour donner un pareil à toutes les jeunes filles de Hanefair. Cela ne lui coûterait pas grand-chose. Je voudrais bien ne pas vous entendre parler ainsi, Elisa. Ce n'est pas une compagnie convenable pour lui. Elle devrait bien le lui dire. Il en veut faire sa compagne pour de bon, observa Elisa. Si du moins il livrait. Il veut l'épouser. Il veut l'épouser, répéta Charlotte en scandant lentement les mots dans son étonnement. Qui est-ce qui a dit cela? Mais lui-même, quoique je peine à croire qu'il parle sérieusement. Elisa, nous ne parlons pas de la même personne, s'écria Charlotte toute bouleversée. À qui faites-vous allusion? À la même personne que vous, je suppose, au jeune Anthony Dare.